Unité 4. Les verbes en ER. Cas général. Vous habitez dans le quartier ? Non, j'habite en banlieue, mais je travaille ici, dans le quartier. Deux. Conjugaison. Regardez. Je regarde mes mails. Écoutez. Tu écoutes la radio. Habiter. Il habite à Paris. Elle habite à Paris. On habite à Paris. Parler. Nous parlons français. Jouer. Vous jouez au football. Étudier. Ils étudient les relations internationales. Elles étudient les relations internationales. 3. Prononciation et orthographe. On prononce la consonne finale du radical. On ne prononce pas les terminaisons E, ES, ENT. Je regarde. Tu regardes. Il regarde. Elle regarde. On regarde. Il regarde. Elle regarde. On fait la liaison avec une voyelle ou un H muet. On aime. Nous écoutons. Vous étudiez. Ils habitent. Elles oublient. Le pronom « je » devient « j » apostrophe devant une voyelle et un « h » muet. J'aime ma ville. J'habite à Paris.